Premier livre de Samuel, chapitre 13. Saül avait régné un an, et il régna 2 ans sur Israël. Et Saül choisit 3000 hommes d'Israël, dont il y en avait 2000 avec lui à Micma, et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Geba de Benjamin, et il renvoya le reste du peuple, chacun en sa tente. Et Jonathan frappa la garnison des Philistins qui étaient au coteau, et cela fut su des Philistins, et Saül le fit publier au son de la trompette par tout le pays, en disant, « Que les Hébreux écoutent !» Ainsi tout Israël entendit dire, « Saül a frappé la garnison des Philistins, et Israël est en mauvaise odeur parmi les Philistins. » Et le peuple s'assembla auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins aussi s'assemblèrent pour faire la guerre à Israël, ayant 30 000 chariots, et 6 000 hommes de cheval, et le peuple était comme le sable qui est sur le bord de la mer, tant il était en grand nombre. Ils montèrent donc et se campèrent à Micma, vers l'orient de Beth-Aven. Mais ceux d'Israël se virent dans une grande angoisse, car le peuple était fort abattu, c'est pourquoi le peuple se cacha dans les cavernes, dans les buissons épais, dans les rochers, dans les forts, et dans des fosses. Et les Hébreux passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gath et de Galaa. Or comme Saül était encore à Gilgal, tout le peuple effrayé se rangea vers lui. Et Saül attendit 7 jours selon l'assignation de Samuel, mais Samuel ne venait point à Gilgal, et le peuple s'écartait d'auprès de Saül. Et Saül dit, « Amenez-moi un holocauste, et des sacrifices de prospérité, et il offrit l'holocauste. » Or il arriva qu'aussitôt qu'il eut achevé d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Et Samuel lui dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Parce que je voyais que le peuple s'écartait d'avec moi, et que tu ne venais point au jour assigné, et que les Philistins étaient assemblés à Micma, j'ai dit, « Les Philistins descendront maintenant contre moi à Gilgal, et je n'ai point supplié l'Éternel, et après m'être retenu, quelque temps, j'ai enfin offert l'holocauste. » Alors Samuel dit à Saül, « Tu as agi follement, en ce que tu n'as point gardé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait ordonné, car l'Éternel aurait maintenant affermi ton règne sur Israël à toujours. Mais maintenant ton règne ne sera point affermi, l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel lui a commandé d'être le conducteur de son peuple, parce que tu n'as point gardé, ce que l'Éternel t'avait commandé. » Puis Samuel se leva, et monta de Gilgal à Geba de Benjamin. Et Saül dénombra le peuple qui se trouva avec lui, qui fut d'environ 600 hommes. Or Saül et son fils Jonathan, et le peuple qui se trouva avec eux, se tenaient à Geba de Benjamin, et les Philistins étaient campés à Micma. Et il sortit 3 bandes du camp des Philistins pour faire du dégât, l'une de ces bandes prit le chemin d'Ophra, vers le pays de Suel. L'autre bande prit le chemin de Beth-Horon, et la troisième prit le chemin de la frontière qui regarde vers la vallée de Tseboïm, du côté du désert Zeroër dans tout le pays d'Israël, il ne se trouvait aucun forgeron, car les Philistins avaient dit, « Il faut empêcher que les Hébreux, ne fassent des épées ou des hallebardes. » C'est pourquoi tout Israël descendait vers les Philistins, chacun pour aiguiser son société, son coutre, sa cognée, et son voyau, lorsque leurs voyaux, leurs coutres, leurs fourches à 3 dents, et leur cognée avait la pointe gâtée, même pour raccommoder un aiguillon. C'est pourquoi il arriva que le jour du combat il ne se trouva ni épée, ni hallebarde, en la main d'aucun du peuple qui était avec Saül et Jonathan, et il n'y eut que Saül et Jonathan en qui il s'en trouva. Et le corps de garde des Philistins sortit au passage de Micma.